dom. Mais là, qui a gagné pour donner du parce qu'une famille avec trois personnes, c'est typiquement européen. Donc, vous donnez africain, le sénégalais, des sacs. Des papa, yaï, dom, tante, badjan, mam, nijaï, cousin, cousine, neveu, nièce, goron, djeké, sept. Big magic, mom, les play de dissertation, science nat, science physique, mathématiques, socio. Soyez les big yangi, moudiangi, soubanye yangi, tokiké, big big yangi, nous yoko résultat. Et puis, nous pouvons dire d'au, nous pouvons dire le bac BFM, mention honorable avec étonnement du jury. Pour le big magic. En même temps, mon langue d'au, Oscar, meilleur big Saint-Valentin, carte bimbinde, moi, Dieu est là, toute une population. Moi, Laura, Bimna Manuel, j'ai plongé dans tes yeux en ce beau jour. Ils ont ouvert les cieux de la félicité. Tes yeux m'ont conté un très joli roman. Un conte de fées faisant vivre mes sens. Tu me fais voyager au paradis de ton cœur. J'y resterai, c'est ma dernière demeure. Merci. Moi, je suis Almet. Qui moi, je suis Mami Almet. Ben nous boîte l'un de les 11 régions, il n'est que Sénégal. Que nous sommes sans brin, nous sommes sans brin qui Almet. Nous sommes en train de nous boutonner dans notre taille. Nous sommes encore 4 semaines qui nous ont. 5e, nous sommes en train de nous dire. Safoula. Qui a l'air d'abonné de Gende 4 Foulané. Allo oui. Caméra. Oui, mais respect, Michel Gagne. Oui, j'ai reçu ta lettre là, mais je voudrais que tu fasses comprendre à qui de droit que ma situation actuelle n'est pas une finalité à moi. Ah oui, puis tout est pris, quoi, non, mais de mon destin. Oui, ne le reprimandant pas, mais plutôt. Comment? Couper le monnaie fort, faut d'un état. Ou à vous mettre si moi dans ligne de saturé. Papa jolen na te bop lim gene tay yeme na de ba du mën lepp mi nga xamne dafa yaakaaroon mo mën lepp am ñenti jabar ba pare viole xale bu ndaw wa president tribunal bi na xamal ne ko mom mënul yalla mën tej ko ñaari atikso mi ngi ni parce dafa yaakaaroon ne mo mën te mënul neex na de lo ci wax sama jigeen